Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Et nous allons jouer maintenant au Free Code Game, donc pour vous offrir différents cadeaux. Hein. Il y a le petit paquet, grand paquet, Durum et mitraillette. Et nous jouons maintenant avec, avec Paul. Salut Paul. Salut, salut. Comment ça va ? Oh, bah ça va bien, la routine. Bon, eh bah oui, bah écoute, tant mieux alors, hein. Tout va bien, tant mieux. Paul, on va jouer maintenant au Free Code Game. Tu vas pouvoir repartir peut-être avec, alors, soit une compile Fun Radio si tu choisis petit paquet, soit des places de ciné si tu choisis grand paquet, soit Durum si tu choisis. Soit un iPod si tu choisis Durum, soit une tablette si tu choisis mitraillette. Ça va des questions les plus faciles aux plus compliquées. Qu'est-ce que tu choisis, dis-moi ? Oh, bah au matin, on a une grande panne, donc on va prendre la mitraillette. La mitraillette ? Tu es sûr? Ouais, pourquoi pas. Tu es bien gourmand, me semble-t-il. Sûr? Non, mais bah, après. Au grand matin, donc. Ok, matin, très bien. Alors, bah, c'est parti, jouons maintenant. Nous jouons, nous jouons Free Code Game. Free Code Game. Allez, c'est parti. Je te pose maintenant 5 questions. Tu réponds bien à 3 sur 5 et c'est gagné. On y va. À 100 millions près, combien de bouteilles de Coca-Cola sont vendues chaque jour dans le monde? J'aurais dit 400 millions. 400 millions. Mauvaise réponse. 1,5 milliard de bouteilles de Coca-Cola sont vendues chaque jour dans le monde entier. C'est énorme. Ouais, en même temps, on devrait faire la même question avec Red Bull pour voir. Oui. Ouais, tiens. Que collectionne un filuministe ? Un quoi ? Un filuministe. Un quoi ? Aucune idée. Tu sais pas, tu dis au hasard ou pas ? Des bougies. Des bougies. T'es raté, c'était des boîtes d'allumettes. Non, t'étais pas loin. Ah, oui, c'est vrai. Ah, il y avait un peu d'approchement quand même. Bon, attention, il faut plus perdre maintenant. Hein. Qui a créé la marque Ford ? Ford. Et bon. Harrison Ford. Ah non, non. Ah non, ah non. Ah non, ah non. Ah ouais. Ah ouais. Allez, je la valide, t'avais dit Monsieur Ford avant. Henry Ford, bonne réponse. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique ? En 1700 quelque chose. Eh oui. Eh ben oui, quelque chose. Non, c'était même pas 1700, c'était 1492. Et enfin, comment appelle-t-on une figure géométrique à 7 côtés ? Aucune idée. Eh oui, c'était un heptagone. Voilà, bon, ça fait une réponse sur 5. Hein. Pas terrible. Pas terrible, malheureusement. Comment ? Presque, oui. Presque. Presque. Eh oui, mais presque ne suffit pas malheureusement. Bon, eh ben écoute, tant pis Paul, tu redonnes ta chance quand tu veux. Ouais, bah merci et quand même un grand bonjour à toute l'équipe. Y a pas de problème, tu reviens quand tu veux. Salut Paul, à bientôt. Salut, ciao. Mickaël à la radio, le replay. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio, c'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Eh oui. Et on va commencer tout de suite avec une devinette. Savez-vous pourquoi Barack Obama n'a jamais eu de trou dans ses vêtements ? Eh ben c'est simple, parce qu'il est plus fort qu'une mythe. D'après Canu, le défenseur brésilien du Standard, personne n'y connaît au football. Une interview où Canu se met à poil. Après le rachat de Lucasfilm par Disney, la suite du retour de Jedi va sortir prochainement. Ouais, après le retour du jeudi, ce sera le retour du vendredi. Oh, mais c'est pas possible. Dans la lutte qui oppose le Japon et la Chine pour contrôler les îles Senkaku, le Japon durcit le ton contre la Chine. Le Japon devrait savoir que du ton dur est quasiment immangeable. Et pour terminer, si vous aimez les jeux d'argent et les roumains manchots au feu rouge, participez au tirage d'Euro Moignon. Voilà, l'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Et oui, aujourd'hui c'est qui voilà qui effectivement est là pour jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien puisque Aline évidemment n'est pas là ce matin. Et nous avons Antoine pour jouer avec nous. Salut Antoine. Bonjour. Comment ça va ? Bien et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien, effectivement. Ouais. Oh, mon bouton du gros dressage, il marche plus ! Oh, c'est dommage ! Tellement tu l'as gros dressage. Elle t'a jeté un sort. Et voilà. Oui, probablement. Ça attends, t'apprendra. J'essaye de le réparer, là. Ah, je suis vraiment triste. Voilà. Ah mince. Attention, déjà. Et qu'est-ce que ça te fait, Antoine, de jouer avec... Gros dressage. Ah, hein. ça te fait quoi? Oui, je suis prêt, oui. Tu es prêt à jouer, mais effectivement, bah, très oui, bien. Je suis prêt. Bon, Antoine, on y va, tu vas jouer avec Audrey. Le principe, évidemment, ne pas dire oui, ne pas dire non, ne pas dire le. Mmh. D'accord, Antoine. D'accord. Si tu y arrives pendant une minute, tu gagnes un iPod. Si tu n'y arrives pas, évidemment, tu rentres chez toi, les mains vides. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Par contre, tu dois faire l'impossible pour qu'elle le dise. Hein, donc, il faut parler un maximum fatalement. Allez, ça va aller, j'ai confiance. On y va. 3, 2, 1, et, une seconde. Et c'est parti. Antoine? Aline, Audrey? Tu vas bien? Bien, et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je m'habille. Tu vas faire quoi après-midi? Je vais aller à l'école. D'accord. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3h30. Et ce week-end, t'as quelque chose de prévu? Jouer à la PS3. Quel jeu? Call of Duty. C'est quoi ça? C'est un jeu de guerre. Ah. C'est violent alors? Oui. Perdu! Ah, eh oui, oh là là! Oh merde! Oh, il restait 10 secondes, Antoine! T'as bien joué, bravo en tout cas. T'as bien joué, t'as parlé et tout, franchement c'est pas mal. Malheureusement, pas assez pour gagner, c'est dommage. Oh là là, Antoine, tu m'as déçu, tu m'as déçu. Bon bah tant pis. Écoute, tu redonnes ta chance quand tu veux, Antoine, d'accord? D'accord. Allez, passe une bonne journée, à bientôt! Salut. Allez, salut à toi, Antoine. Ah, déception totale, Audrey est contente, elle a gagné. Oui, j'ai gagné. Voilà, pour une fois, c'est bien la première fois que ça lui arrive. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, ce matin, nous allons faire connaissance d'Eric. C'est une fille qui a une vie un peu. Erika, pardon, qui est une fille qui a un petit peu de. Une vie un peu spéciale. Nous sommes à Paris, dans le quartier de la Bourse. À 27 ans, Erika se verrait bien trader. Et en attendant d'accomplir son rêve de gloire, la jeune femme exerce une profession aux antipodes. Depuis un an, Erika est actrice X. Et oui, c'est effectivement totalement différent. Et oui, voilà, sauf qu'elle joue, elle joue pas en bourse, mais avec les bourses. Oh, oui, c'est ça la différence. Non, c'était facile. Voilà. Bah oui, c'était facile. Mais son vrai problème, en fait, c'est qu'elle aimerait bien avoir un mec, et donc un amoureux, hein, pas juste un plan cul, hein, forcément. Sauf que bah, quand on fait du X, bah, c'est pas évident. Pour trouver l'homme de ses rêves, Erika s'est tournée vers des sites de rencontres. Mais quand on est actrice X, mieux vaut prendre certaines précautions. Mon activité, c'est assistante secrétaire. Assistante secrétaire. Eh bah évidemment, c'est normal. Et quand finalement, elle finit par rencontrer Marcus, bah il faut bien lui dire la vérité. Et toi, tu fais quoi comme boulot? Moi, je suis actrice X. Ah ouais. C'est une connerie. Je sais pas, sur ton profil, il y a écrit secrétariat ou hôtesse d'accueil. Non. Eh oui. Mais... bah, hôtesse d'accueil, ça. Ouais, les hôtesses d'accueil, ouais, c'est ça. Et vous arriveriez à sortir avec quelqu'un qui fait des films porno, Lob par exemple? Non. Non, non, m'étonne, t'as dit, moi je me fous. Ah, ouais, je m'en fous. Ah, je suis trop jaloux, moi, je suis trop jaloux, laisse tomber. Ah, oui, oui, vu comme ça, effectivement. Audrey? Non, moi non. Non, Toff, je m'en fous. Ouais, moi ça me dérangerait pas. Ouais, c'est ça. Moi je pense que ça pourrait même me faire marrer. Regarde, ouais. C'est ma meuf qui se fait déglinguer là sur l'écran. Mais t'as un problème, t'es pas fini. Ça me fait pas rire, moi, tu sais. Ah, si, ta mère écoute en ce moment ou pas, du coup? T'as dit quelle heure? Ouais, y'a moyen. Ouais, je veux savoir, madame Toff, est-ce qu'il a été fini? Est-ce qu'il est arrivé prématuré? En fait, non, il y a eu le feu dans son berceau et on l'a été à coup de pelle, tu vois. Peut-être, je sais pas, mais c'est un truc de ouf. Et donc, la vérité, donc, c'est le meilleur ami d'Erika qui va nous la dire. Je vois comme une fille normale aussi parce que je la connais. Je la connaissais avant qu'elle soit dans X. Et pourquoi tu pourrais pas être avec une X? Ah, bah attendez, elle a travaillé toute la journée, elle a pas travaillé en rentrant. Ah, bah c'est ça, tiens, elle a travaillé toute la journée, la malheureuse. Elle a en plus bossé en rentrant. Non, mais vous vous rendez compte ou quoi? Ouais. Ça doit être horrible, quoi. Mais exactement, exactement. Tu pourrais, toi? De quoi? Avoir une femme qui fait X? Non, non. Non, non. Trop saleté. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est même tu sais que on a reçu plusieurs actrices de cul quand on faisait le soir. Ouais. Et franchement à chaque fois, presque à chaque fois, sauf Estelle des Anges, celle-là était bien. Mais toutes les autres, elles puaient le sexe, quoi. C'est dégueulasse. La vieille capote, quoi. Ah ouais. Franchement, c'était répugnant, quoi. Vraiment. Rien que pour ça, moi je pourrais pas. Hein. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.